C'est gentil à toi que tu sois venu me voir dans mon bureau. Un lundi matin, alors que j'ouvre ma nouvelle agence importation-exportation. C'est gentil, tu sais. Ah mon Dieu, c'est tout nouveau à notre époque, faut bluffer, toujours du bluff, faut faire croire aux gens. Attends, il y a quelqu'un, on a frappé. Dis donc, t'es mon pote, je vais te donner un exemple de bluff. Tu vas voir que je suis pas un imbécile. Tu vas ouvrir, mais tu vas faire comme si t'étais mon secrétaire, tu vois ça. Allô, oui, oui. Vas-y, ouvre la porte, mon Dieu. Non, non, monsieur. Je vais essayer d'entrer, je suis désemparé. Oui, comment pour 100 millions, 100 millions de dollars, ça m'intéresse pas, monsieur. Mais non, ici c'est une grosse agence, importation, exportation. Oui, avec le riz. Le riz, avec le riz chinois, monsieur, moi je l'ai directement par Hong Kong, au prix de fabrique, mais oui, monsieur. Ça m'intéresse pas, non, monsieur. Au revoir, monsieur, au revoir. Entrez, jeune homme, je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez me dire quelque chose? Oui, j'ai encore un autre coup de fil. Vous voulez un cigare? Mon premier secrétaire, donnez un cigare à ce monsieur. M'en veuillez pas. J'ai encore un autre coup de fil à donner. Très important, à l'étranger, importation, plus grande maison que nous ayons. Ne montons pas haut, peut-être, oui, mais grandement. C'est notre devise. Allô, ça veut rien dire, je sais, mais c'est notre devise quand même. Allô, oui, vous êtes français? Oui, bonjour monsieur. Ah, vous avez un problème, on est au courant de tout, nous. Aux questions argent, vous êtes d'Annemasse. Et vous voulez placer de l'argent à Genève? Eh bien, écoutez, prenez le tramway. Il y a 5 km. Ah, bon, ah oui, vous avez peur que les douaniers vous piquent. Oh, au revoir, monsieur, au revoir. Je vous en prie, mais je suis conseiller en tout. Et... au revoir, monsieur, au revoir. Je m'excuse, jeune homme, vous êtes assis. Je suis désolé. J'ai beaucoup de travail de tous les côtés. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux rien. Alors, vous, écoutez, qu'est-ce que vous venez me déranger? Oui, moi, je suis employé des PTT. Et alors, j'étais venu pour brancher le téléphone.